Bonjour, c'est Evan Matisse. Afin de bien commencer, je vais, en ce premier épisode, te donner des pistes pour atteindre la confiance sexuelle. Que l'on soit un homme ou une femme, la clé du bonheur réside dans la confiance en soi. Cette réalité se vérifie au quotidien et bien plus encore dans l'intimité. Because, avoir de l'assurance favorise une sexualité épanouissante. Évidemment, la réciproque est de mise. Facile à dire, me diras-tu. Peut-être que, comme beaucoup d'autres, tu es esclave de tes complexes. Rassure-toi, tout n'est pas perdu. Enfin, si tu veux bien me consacrer quelques minutes de ta vie. Alors si tu es d'accord et que tu as réellement envie de changement, je vais te dévoiler 6 principes sains pour te permettre de t'affirmer, non seulement dans ton environnement, et surtout lorsque tu partiras en chasse. La première chose à accepter, c'est qu'il est impossible de plaire à tout le monde, et qu'il faut apprendre à passer outre ce que pensent les autres. Tout particulièrement parce que les langues de vipères ont globalement une existence bien plus pourrie que la tienne. Alors ne te prive plus de mettre tes atouts en valeur à l'aide de vêtements, lingerie et autres cosmétiques. Tu constateras rapidement qu'il te sera bien plus facile de séduire lorsque tu te trouveras toi-même consommable, sans oublier que les hommes sont généralement réceptifs au packaging. La seconde astuce non moins essentielle, c'est qu'il est indispensable que tu ne sois pas continuellement dans le contrôle. Il est certes utile de porter des masques dans ta vie professionnelle, toutefois, les codes ne sont pas les mêmes dans les rapports de séduction. Pour apprendre à te lâcher, il faut t'accepter et surtout t'aimer tel que tu es. En outre, ta capacité de jouissance sera infinie une fois que ton esprit ne sera plus encombré par des inquiétudes stupides du genre « Merde, je ne suis pas bien épilé » ou encore « J'espère qu'il ne va pas remarquer que j'ai pris 2 grammes ». Par ailleurs, le sexe et la retenue font mauvais ménage. C'est pourquoi il faut impérativement laisser une place à la bête qui sommeille en toi. Surtout, ne te retiens plus si tu ressens le besoin de hurler, griffer et même mordre. Ton mec va kiffer, et si ce n'est pas le cas, remplace-le. Troisième nécessité, bannir la peur qui est un frein au plaisir. Une partie jambe en l'air n'a rien à voir avec un entretien d'embauche. N'hésite pas à flâner sans contrainte en appréciant la diversité de sensualité que t'offre chaque nouveau partenaire plutôt que de chercher à satisfaire des normes de morale ou de qualité. La destination est ensorcelante. Toutefois, à force de chercher la perfection, tu risquerais de te perdre en chemin. D'autant plus que chaque escapade est unique. Le quatrième point à te mettre en tête, c'est que ce n'est pas toi qui as de la chance d'avoir chopé ce gars, mais l'inverse. Et ne perds pas de vue que les différents mecs qui s'aventurent dans ton lit te trouvent tous désirables. En conséquence, il n'y a plus de raison de douter de ton sex appeal. Ma cinquième doctrine est à consommer sans modération. En effet, il est important de toujours donner l'impression que le mâle mène la danse. Alors que subtilement, tu vas diriger ton partenaire vers ce que tu souhaites autant dans la vie que pendant les galipettes, et cela sans même qu'il ne s'en rende compte. Arrive enfin la sixième et dernière allégation. Il n'y a pas d'âge pour se réaliser, puisque l'être humain est pourvu d'une phénoménale faculté d'apprentissage et d'adaptation. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il est vrai que pour certains, le sexe est inné, là où d'autres ont besoin d'acquérir des compétences. Qu'importe dans quelle catégorie tu te trouves, si tu t'assumes en tant que femme, tu n'auras jamais fini de faire de nouvelles découvertes sensuelles et tu apprécieras, plutôt que d'en avoir honte, le regard que portent les hommes sur toi dans la rue. Comme tu l'as sans doute compris, la confiance sexuelle et la confiance en soi sont étroitement liées. Équipé de tes nouvelles connaissances, tu vas pouvoir découvrir le monde sous un nouveau jour. Inutile de me remercier, je sais que je suis une sainte. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.